Poidadadadoubal, c'est le cri de tout Paris qui chante, qui sourit. Mademoiselle Swing, c'est l'éveil des nouveaux jours. Mademoiselle Swing, de l'espoir, c'est le retour. C'est dans l'horizon brumeux, un coin de ciel tout bleu. C'est la gaieté qui nous délivre d'une jeunesse qui veut vivre, vivre. Mademoiselle Swing, d'oublier tous vos soucis, de faire le swing, de faire le swing aussi. Ouais, braver le désert.